Mais non, pas lui. Hey, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Bon Arvalo, toi là. Quelle heure c'est pas à chaque fois. Putain, viens. De quoi tu parles? J'ai du mal à l'admettre, j'ai besoin que tu partes. Et voilà que je pose ma larme, merde. Tous ces dialogues m'épuisent, mais faut que je puisse te dire que si ma langue décrit l'envie de le vivre, le reste c'est le vide. Mais est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu me l'autorises? Que le tracas d'un doute me lobotomise. De toute façon tu vises quoi? Partout dans le fil de l'histoire, tout se cristallise pendant que tu m'analyses. Toi, à force de chercher les mots dans l'hémoglobine, je ressens la froideur de l'émeraude, de la glottobite. Donc quand je crache mon amertume sur un bec benzène, que ça brûle, y'en a plus qu'un zesta. Mais qui est-ce qui a putain? Je crois pas que j'y vous un culte. Elle kéblo dans ma tête au lieu d'être bien dans ce que je fais. Je me teste un an plus tard, c'est parti pour un tube. Ces questions qui m'entêtent m'empêchent d'être bien dans ce que je fais. Bien dans ce que je fais. Hey, tu sais ce qu'on ferait pour un peu de silence? Ces discussions qui t'ensorcellent, qu'est-ce qu'il en sort? Fais le bilan, on en ressort seul. Tout ça pour un peu de silence. Tu sais ce qu'on ferait pour un peu de silence, hein? Ces discussions qui t'en sorcellent, qu'est-ce qu'il en sort? Fais le bilan, on en ressort seul. Tout ça pour un peu de silence. J'ai rien à dire mais tant de textes à Péra. En temps de guerre, qui vivra verra tant de verres passer sous silence. Les années passent et les flammes sur les bougies dansent. Du coup j'y pense comme le capitaine de Testalera. Et puis j'oublie ça. J'suis comme ce pyromane, un jerrycan sans briquet. J'me pointe aux portes du paradis sans ticket. Muet comme la jarre, le juge est dans le placard. Cette nuée de gens bavards me fait flipper. Ce qui me plaît, la fumée dans ce bazar. Suer dans ce vacarme. Mais tu es le temps bâtard, c'est niqué. C'est lui qui me tuera sur un moukarou qui rap. Y'a pas de sous-homme, la route est longue, tous les jaloux dérapent. Pourvu que ma voix résonne dans tous les haut-parleurs. Quand le début de la soirée sonne, coupe la parole de tous ces beaux parleurs. Écoute le son de la villa, le son de l'aérosol. T'as l'air au bout de ta vie, mon garçon, t'as l'air au seuil. Écoute la mif même, si t'es calé au sol. Parler c'est l'unique solution, vu que le silence est seul, seul. Ouais, et fermez tous vos gueules. Hey, tu sais ce qu'on ferait pour un peu de silence? Ces discussions qui t'en sorcellent, qu'est-ce qu'il en sort? Fais le bilan, on en ressort seul. Tout ça pour un peu de silence. Tu sais ce qu'on ferait pour un peu de silence, hein? Ces discussions qui t'en sorcellent, qu'est-ce qu'il en sort? Fais le bilan, on en ressort seul.